شاء الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence la deuxième partie, le deuxième cours en explication du sharh de Fadl al-Islam, Risalat al-Fadl al-Islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Et donc aujourd'hui on commence à parler, mais toujours dans le premier chapitre, Fadl al-Islam, et là le Cheikh il a mentionné un autre verset. Le verset qu'il a cité, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne le verset 28 dans Surat al-Hadid, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih » يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. C'est un verset dans sourate Al-Hadid dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Oh vous qui avez cru, craignez Allah et croyez en son messager. Il vous donnera deux parts de sa miséricorde et vous donnera, ou il vous donnera une lumière dans laquelle vous allez marcher. Et il pardonnera vos péchés, il va vous pardonner. Et Allah est certes pardonneur et miséricordieux. » Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique maintenant ce verset. Il dit, « Al-ayatul ula, al-yawm akmaltu lakum dinakum » Le verset 28. Naam. Donc, le premier verset qu'il a mentionné dans le chapitre, c'était « Al-yawm akmaltu lakum dinakum » شيخ الدين الآية الأولى اليوم أكملت لكم دينكم خطاب للمؤمنين et ça, ça, ça, ce verset-là s'adresse aux croyants parce qu'il dit j'ai complété pour vous c'est-à-dire pour vous les musulmans votre religion le deuxième verset الآية الثانية قل يا أيها الناس إن كنتم في شك ça c'est le deuxième verset qu'il a mentionné il dit dedans dit au Mohammed ô vous les hommes si vous avez un doute au sujet de ma religion Ça, c'est un discours, le Cheikh dit, khitabun lil mushrikin wal wataniyin. Donc, ça s'adressait aux mushrikin et aux idolâtres, les gens qui adorent les idoles. Et à tous ceux qui adorent autre que Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, dans ce verset, il dit, wa hadhihi al-aya, ya ayyuha alladhina amanu, khitabun li ahli al-kitab min al-yahudi wa al-nasara. Il dit, oh vous qui avez cru, il s'adresse dans ce verset-là aux gens du livre parmi les juifs et les chrétiens. Et il leur dit, اتقوا الله وآمنوا برسوله. C'est-à-dire, craignez Allah et croyez en son messager. C'est-à-dire, Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il dit, يؤتكم كفلين من رحمته أجر الإيمان بالرسل السابقين وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن من أهل الكتاب يؤتى أجره مرتين. أجر الإيمان بالكتاب السابق وأجر الإيمان بالكتاب المتأخر وهذا فضل عظيم قال تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا Donc le Cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit il vous donnera deux parts de sa miséricorde. Le Cheikh explique que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chrétien ou le juif qui a accepté l'islam, il aura deux récompenses. Il a le double de la récompense parce qu'il a cru au prophète précédent et ensuite il a accepté en plus la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a la foi d'avoir cru au prophète précédent, et en plus il a la récompense d'avoir cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les croyants parmi les gens du livre qui ont accepté l'islam, hein, ceux parmi les gens du livre qui ont accepté l'islam sont devenus des croyants, parmi eux ils auront le double de la récompense, ils auront deux fois la récompense. La récompense d'avoir cru en le livre précédent et la récompense d'avoir cru en le livre qui est venu par la suite, c'est-à-dire le Coran. Et là-dedans, il y a une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit ensuite dans le verset 54 dans Surat al-Qasas, « Oulaika yu'tawna ajrahum marratayni bima sabaru » Ceux-là, on leur donnera deux fois la récompense pour avoir été patient, pour avoir été endurant, pour ce qu'ils ont enduré. Il dit ensuite, وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا نُورَ الْبَصِيرَةِ تَمْشُونَ بِهِ تُوَيِّزُونَ بِهِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْهُدَى وَالضَّلَالِ لِأَنَّ هَذَا الدِّينَ نُورٌ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فالقرآن نور والسنة نور. Donc le Cheikh il dit, et il vous donnera une lumière, la lumière de la compréhension, la lumière du savoir, de la connaissance, al-basira, hein, de la clairvoyance, le fait de voir les choses clairement avec la science, avec la compréhension. Donc ça c'est la lumière qu'il va vous donner. Tamshuna bihi, le Cheikh il dit, tamshuna bihi, vous allez marcher dans cette lumière dans le sens que vous allez être capable de distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux, entre la guidance et l'égarement, parce que cette religion-là c'est une lumière, parce que ce Coran c'est une lumière, parce que cette sunna c'est une lumière, ok. Et quand on se base sur cette révélation et sur cette sunna et sur ce Coran et sur cette sunna, Allah subhanahu wa ta'ala nous éclaire et nous guide et il nous montre la vérité, et donc on n'est pas dans la confusion et dans l'obscurité, dans les ténèbres. يا أيها الذين آمنوا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالذي يمشي على هدي القرآن ويمشي على النور ها؟ فالذي يمشي على هدي القرآن يمشي على النور والذي يمشي على غير هدي القرآن يمشي في ظلمة وضلال والعياذ بالله وإن زين وزخرف له ما هو عليه فهو باطل وضلال والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم سبب لهذا النور الحقيقي الذي يسير عليه الإنسان. Donc le Cheikh il a mentionné le verset 174 dans sourate An-Nisa dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous les hommes, une preuve claire vous est venue de votre Seigneur et nous avons fait descendre sur vous une lumière éclatante, une lumière clarifiante. Donc celui qui marche sur la guidance du Coran, il marche sur la lumière, il marche dans la lumière, comparé par opposition à ceux qui marchent dans le shirk, dans le kufr, dans l'égarement, dans l'ignorance, eux ils sont dans les ténèbres. وَالَّذِي يَمْشِ عَلَى غَيْرِ, c'est ça qu'il dit, ceux qui marchent sur autre que la guidance du Coran, ils marchent dans l'obscurité et dans l'égarement. Que Allah nous en préserve. Même si ceux qui suivent ces voies d'égarement, on leur a embelli, on leur a montré, on leur a décoré le mensonge et la fausseté qu'ils sont en train de suivre, c'est quand même de l'égarement et c'est quand même de la fausseté. Il ne faut pas se laisser impressionner par les décorations, par les embellissements que les gens de l'égarement essaient d'utiliser pour présenter leur fausseté et leur mensonge. Parce que la réalité reste toujours la même, c'est que c'est de l'égarement. Hein? Et donc, le Cheikh il dit, la foi en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est donc une cause pour obtenir cette vraie lumière, cette réelle lumière sur laquelle l'homme va marcher. Il dit ensuite, « Wa yaghfir lakum » dans le verset, verset 28 dans Al-Hadith, à la suite de ce qu'on a lu, il dit, « Wa yaghfir lakum, wallahu ghafurur rahim. Mazaya azima yuraghibu fiha ahl al-kitabi fi an yu'minu bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam الذي جاء بما جاء به إخوانه النبيون ودعا إلى ما دعوا إليه وهو إخلاص العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه فكان من العجيب أن يعصوه ويخالفوه مع أنه ما جاء بشيء يخالف ما عليه أنبياؤهم ورسلهم فدل على أن الإسلام هو الإيمان بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد بعثته وأن من لم يؤمن بهذا الرسول فليس على الإسلام وإنما هو على الكفر فدلت هذه الآية على فضل مؤمن أهل الكتاب الذين من الله عليهم فقبلوا الحق وأن الله سيعطيهم الأجر مرتين ويعطيهم مزايا عظيمة. Donc le cheikh il explique, il dit que il va vous pardonner. C'est-à-dire, il s'adresse aux gens du livre, aux juifs et aux chrétiens. Il leur dit des choses qui vont les inciter à accepter la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et donc en l'islam. Et donc, il leur mentionne qu'ils vont avoir le double de la récompense, qu'ils vont yani, être dans une lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui les guide et qui les aide à distinguer entre le vrai et le faux. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala va leur pardonner leurs péchés. Et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur et miséricordieux. Donc, tout ça, c'est des particularités par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala veut inciter les gens du livre à croire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu avec ce que ses frères parmi les prophètes sont venus avant, ont ramené avant lui. C'est-à-dire, il a ramené ce que ses frères parmi les prophètes qui sont venus avant lui ont ramené. Et il a appelé à ce que les prophètes avant lui ont appelé également. C'est-à-dire, à purifier leur adoration pour Allah, et abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est étonnant de voir par la suite que les gens du livre ont désobéi à son ordre et ont contredit et opposé son message. Alors qu'il n'a rien ramené de choses qui soient contradictoires avec ce que les prophètes précédents avaient ramené, de même que les messagers. Et donc ça c'est la preuve que l'islam, c'est la foi, c'est d'avoir la foi en ce messager. L'islam, d'être musulman, d'être sur l'islam, c'est de croire en ce messager après sa venue, c'est-à-dire en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, si un juif ou un chrétien prétend être sur l'islam, ou prétend être sur la vraie religion d'Allah, et qu'il n'a pas cru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est la preuve qu'il n'est pas réellement sur l'islam, et qu'il n'a pas cru réellement en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit, et celui qui n'a pas cru en ce messager, il n'est pas sur l'islam, et il est uniquement sur le kufr. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement dans le monde? Par exemple, en ce moment, qu'est-ce qu'il dit dans les médias par rapport à l'église catholique et au pape et aux prêtres, et qu'est-ce qu'ils font comme crime et comme péché, hein? Alors que ce sont des gens qui prétendent être les représentants de Jésus, de la religion de Dieu, on voit que c'est la preuve, c'est des signes. Si c'était des individus ordinaires parmi les chrétiens qui font juste suivre leur religion, à la limite de qu'est-ce qu'ils pensent comprendre ou connaître de cette religion-là, on dit ça c'est des chrétiens, c'est des individus qui font et en est des fautes ou des péchés parmi les chrétiens. Et donc, on ne va pas juger ou accuser la religion en entier à cause de ce qu'ils font comme péché ou comme faute. Mais quand ce sont les représentants même de cette religion-là, qui sont les prêtres, hein, qui représentent l'autorité même de cette religion, parce que dans leur religion, ils ont un clergé, ils ont une autorité religieuse, ils sont soi-disant les représentants de Dieu sur la terre, c'est eux qui sont supposés de donner aux hommes la... le message, et puis on voit qu'ils commettent ce genre de choses, hein. Eh bien, c'est des exemples. Ça fait réfléchir les gens. Ça fait comprendre, hein, la réalité de cette religion-là. Et ça, c'est juste un détail, parce que quand on regarde leurs enseignements et leurs fondements et leurs croyances, la Trinité et, les autres croyances qu'ils ont d'égarement et d'idolâtrie et de shirk, on comprend tout de suite que yani, ils ont contredit les enseignements du prophète Isa alayhi salam. Donc ça c'est des choses qui sont étonnantes de voir ça, mais en même temps on n'est pas surpris yani, puisqu'ils ont contredit la fitra. Ils ont contredit la fitra que Allah subhanahu wa ta'ala yani, lorsqu'il a parmi les choses qu'il nous a enseignées et que les messagers nous ont enseignées, que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé aux hommes de respecter, c'est le mariage. Qu'un homme il se marie. Et ça, ça fait partie de la sunna. Et lorsque, par exemple, certains parmi les gens qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont dit, il y en a un parmi eux, il était trois, il y en a un parmi eux qui ont dit, moi je ne vais pas me marier, je ne vais jamais prendre d'épouse, je vais rester tout le temps célibataire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de celui-là et des autres, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Il dit, moi je me marie des fois, et j'épouse des femmes, et celui qui laisse tomber ma sunna, ou qui préfère autre chose que ma sunna, alors il n'est pas de moi. Donc il se désavoue de lui. Et donc le fait que ces gens-là s'éloignent de la fitra et de la sunna des prophètes, eh bien, ils tombent dans ce genre de péché-là, et dans ce genre de perversité, de déviation. Ensuite, donc le cheikh il dit, وَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى فَضْلِ مُؤْمِنِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَقَبِلُوا الْحَقِّ. Donc ce verset, ça prouve le mérite des croyants parmi les gens du livre, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait la faveur et la grâce de faire en sorte qu'ils acceptent la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner leur récompense deux fois. Et il va leur donner plein d'autres bienfaits, d'autres grandes caractéristiques qui va les réjouir. Donc, alhamdulillah, réjouissez-vous les frères, ceux parmi vous qui êtes convertis à l'islam, qui étaient des chrétiens et qui sont devenus musulmans, ou qui étaient juifs et qui sont devenus musulmans. Alhamdulillah. Yani, que Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte et vous guide et vous garde dans la guidance, et en même temps qu'il nous donne le double de la récompense comme il l'a mentionné dans sa révélation. Donc le cheikh il dit, c'est sahih. Ensuite le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il mentionne un hadith authentique apporté par Al-Bukhari selon Ibn Umar radiyallahu anhu. Il dit, وفي الصحيح عن Ibn Umar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغرب إلى أن تغيب الشمس على قراتين فأنتم هم فغضب اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من حقكم شيئا قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. Ce hadith-là, il est rapporté donc, comme j'ai dit, selon Ibn Omar, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'exemple, si on veut comparer votre ummah, notre ummah, la ummah de l'islam, ceux qui ont cru en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les gens du livre, les gens des deux, qui ont reçu les deux livres avant vous, les juifs et les chrétiens, si on veut comparer entre les deux, c'est comme si on comparait entre un homme qui a engagé des employés ou des ouvriers. Un homme qui a engagé des ouvriers. Donc, il a engagé certains ouvriers parmi eux et il leur a dit, qui va travailler pour moi du matin jusqu'au midi? Du matin jusqu'à midi. Et je vais lui donner comme salaire il a dit qirat. Une qirat, c'est une quantité quelconque. Donc je vais vous donner une mesure de telle chose. Quantité, ça va être ça votre salaire. Donc, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comme s'il disait, bon, vous allez travailler pour moi du matin jusqu'à midi et je vous donne comme salaire, on va dire, 100 dollars. Hein, pour donner un exemple. Et les Juifs ont, donc, les Juifs ont travaillé. Ça, c'était les Juifs. Ils ont travaillé la première partie de la journée. Ensuite, l'homme a dit, qui va travailler pour moi à partir de midi jusqu'à l'Asr? De Zohr jusqu'à l'Asr. Et je vais lui donner comme salaire la même chose. Qirat. Hein, on va dire 100 dollars aussi. Et c'était les chrétiens. Les chrétiens ont travaillé dans la deuxième partie de la journée. Et ensuite, cet homme a dit, qui va travailler pour moi de la prière de Salat al-Asr jusqu'à le Maghrib? Il dit, et je vais lui donner comme salaire deux qirat. Hein? Donc, 200 dollars pour cette période. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'était vous. Ceux-là, c'est vous. C'est-à-dire les musulmans. La umma de l'islam. La umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les juifs et les chrétiens se sont mis en colère. Ils ont dit, comment ça se fait? Nous, on travaille plus et on a moins de salaire. Alors, l'homme lui dit, est-ce que je vous ai diminué dans votre droit en quoi que ce soit? Est-ce que je vous ai donné moins que ce que vous méritez? Puisqu'ils s'étaient entendus pour faire un travail pour un salaire quelconque. Et ils ont accepté. Et ils ont fait leur travail. Maintenant, ils voient que d'autres ont eu, les musulmans ont eu moins de travail pour un plus gros salaire, ils ne sont pas contents. Hein? Et donc, l'homme dit, est-ce que je vous ai manqué en quoi que ce soit dans vos droits? Ils ont dit non. Hein? Et donc, c'est comme, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit, hein? Est-ce que je vous ai manqué en quoi que ce soit dans votre droit? Il dit non. Alors il dit, ça c'est ma grâce et je la donne à qui je veux. Hein? فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِهِ مَنْ أَشَاءَ. Donc on va lire qu'est-ce que le Cheikh Al-Fawzan il dit à propos de ce hadith. لهذا الحديث فيه فضل الإسلام وأن أهله أعظم أجرا عند الله عز وجل من أهل الأديان السابقة. وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك. Donc il dit que ce hadith, ça montre le mérite et l'excellence de l'islam. Et que les gens qui sont dans cette religion, qui sont sur cette religion-là, ont une plus grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens qui ont suivi les religions précédentes. Et il a donné cet exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cet exemple-là pour clarifier ça. Et il dit, فَذَلِكَ فَضْلِي أُوْتِيهِ مَنْ أَشَاءَ لا حجر على الله سبحانه وتعالى فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم لكنه لا يظلم أحدا ولا يبخسه من حقه شيئا لأن الله حكم عادل يجازي على العمل الصالح ويزيد وهذه الزيادة فضل من الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فهذا فضل الله سبحانه وتعالى فلا اعتراض على الله في تفضيله هذه الأمة على غيرها من الأمم لأنه أعلم سبحانه وتعالى بمواقع فضله ومن يستحق الفضل وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى بالجزاء وأعلم من خلقه وأعلم بخلقه سبحانه وتعالى فالجزاء على العمل عدل والزيادة على الجزاء فضل وهذا الحديث فيه فضل الإسلام على غيره من الأديان. Donc le cheikh il explique que dans ce hadith, il y a, donc, comme on a dit, le mérite et l'excellence de l'islam. Et à la fin du hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ça c'est mon mérite, et ça c'est ma grâce et je la donne à qui je veux. Personne ne peut limiter Allah subhanahu wa ta'ala ou empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de faire grâce ou faveur à qui il veut. Hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce, il la donne à qui il veut. Hein? S'il veut donner plus à un et moins à l'autre, ça c'est son droit. Il fait ce qu'il veut. Hein? Et il est juste. Il ne fait pas d'injustice à personne. Hein? Ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide. Et Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui détient la grâce immense. Hein? Mais il, le cheikh dit, mais il ne fait d'injustice à personne et il ne brime personne dans ses droits. Il ne brime personne dans ses droits. Il donne à un plus qu'à l'autre. Il donne à l'autre moins qu'à l'autre. Mais il ne brime personne dans ce qu'il mérite et il ne brime personne dans son droit. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est un juge juste. Et il récompense pour la bonne action et il augmente aussi la récompense. Et cette augmentation ou ce surplus, hein, il récompense quelqu'un pour une bonne action qu'il a faite et aussi il peut donner un surplus s'il veut. Et ce surplus de grâce, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne à qui il veut. Comme il dit dans le verset 40 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas une graine de moutarde, ou bien un atome d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait même pas une graine de moutarde d'injustice. Et s'il y a une bonne action, il la fait multiplier en valeur. Et il lui donne une récompense immense de sa part. Le cheikh dit, ça c'est la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et personne ne peut s'objecter au fait que Allah subhanahu wa ta'ala décide de privilégier ou de donner plus à quelqu'un ou à une umma par rapport à une autre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant, il connaît mieux sa créature, et il sait lequel mérite le plus cette grâce ou non. Et il connaît mieux sa créature que quiconque. Donc la récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une action quelconque, ça c'est de la justice. Et le surplus qu'il donne, ça c'est sa grâce. Donc quand il donne, quand Allah subhanahu wa ta'ala récompense quelqu'un selon ses actions, ça c'est sa justice. Quand il donne un surplus, quand il augmente, ça c'est sa grâce. Et sa grâce, il peut la donner à qui il veut. Hein? Et donc, ce hadith, ça nous montre le mérite de l'islam par-dessus les autres religions. Au-dessus des autres religions. Ensuite, le cheikh, il a mentionné un autre hadith. Il dit, « وَفِيهِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَضَلَّ اللَّهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وذلك هم تبع لنا يوم القيامة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. الشيخ explique, il dit que, comme il dit, c'est rapporté selon Abi Huraira, radiallahu anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a écarté, bien a égaré ceux qui étaient avant nous du jour du Jumu'ah, du vendredi. Les Juifs ont pris le samedi, les chrétiens ont pris le dimanche. Hein? Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a guidés pour ce jour, le Jumu'ah. C'est notre jour à nous pour les musulmans. Et donc, فَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُمْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et ainsi qu'ils seront après nous au jour de la résurrection. les juifs et les chrétiens seront après nous au jour de la résurrection. Nous sommes les derniers dans ce monde et les premiers au jour de la résurrection. Hein? Et ça c'est rapporté par l'imam Muslim. Le Cheikh Al-Fawzan explique ça. Il dit « Hada وهذا أيضا فيه فضل الإسلام وأن أهله أفضل الأمم يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك في يوم الجمعة فالله جل وعلا جعل للأمم يوما من الأسبوع يتفرغون فيه للعبادة فاليهود اختاروا يوم السبت وقالوا إنه اليوم الذي استراح الله فيه بزعمهم بعد تعب بعدما تعب من خلق السماوات والأرض حيث خلقها في ستة أيام بدايتها يوم الأحد ونهايتها يوم الجمعة قالوا ويوم السبت تفرغ الله فيه واستراح فاعتبروه يوما لعبادتهم وقد كذبوا على الله قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب أي من تعب وفي هذا رد على زعمهم الباطل بأن الله استراح يوم السبت. Donc, le Cheikh explique, il dit que également dans ce hadith qu'on vient de lire, il y a encore une fois l'excellence de l'islam et le mérite de l'islam et le fait que les musulmans sont meilleurs au jour de la résurrection, sont les la umma de l'islam, ce sont les meilleurs au jour de la résurrection. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a clarifié ça en donnant l'exemple du jour du vendredi. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné à chaque umma, chaque nation, chaque peuple un jour de la semaine dans lequel ils se consacrent à l'adoration. Et les Juifs ont choisi le samedi, Yom Sabt, parce qu'ils ont dit que c'est le jour dans lequel Allah s'est reposé, selon ce qu'ils prétendent, après avoir été fatigué d'avoir créé les cieux et la terre. Parce qu'il a créé, il a créé les cieux et la terre en six jours, en commençant par le dimanche, et en terminant le vendredi. Donc ils ont dit, et le samedi, sabt, il s'est, Allah a terminé de tout créer, et il s'est reposé ce jour-là. Donc ils ont considéré, les Juifs ont considéré ce jour-là, comme un jour pour eux, comme pour adorer, pour faire de l'adoration. Et le Cheikh dit qu'ils ont menti à ce sujet-là. Les Juifs ont menti à ce sujet-là parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Qaf, le verset 38, et nous avons certes créé les cieux et la terre et ce qui est entre les deux en six jours et aucune fatigue ne nous a touchés. Donc ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les cieux et la terre en six jours et ça ne l'a nullement fatigué du tout. Il n'a pas été épuisé parce que rien n'est difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala et rien n'est fatigant pour Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, les Juifs, ont qualifié Allah subhanahu wa ta'ala comme un être humain. Ils l'ont rabaissé à un être humain ou un animal qui se fatigue après avoir fait un travail. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-delà de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout-puissant. Il ne se fatigue pas. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a réfutés dans le Coran. Donc, وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبِ. لُغُوب, ça veut dire la fatigue. التعب. Et donc, il y a dans ça une réfutation de leurs fausses prétentions et de ce qu'ils ont attribué faussement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir dit qu'il s'est reposé le samedi. وَأَمَّا النَّصَارَ, je ne sais pas si vous savez un peu qu'est-ce que les Juifs pratiquent, comme pratiquent le jour du samedi, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit de rien faire, même allumer une interrupteur de lumière ou faire fonctionner quoi que ce soit, d'électrique, ils n'ont pas le droit. Donc ça c'est des exemples, ils considèrent que ça c'est le travail, ça fait partie du travail, donc ils n'ont pas le droit de l'utiliser. Yani, Allahu a'lam. Mais c'est pour dire que ça c'est qu'est-ce qu'il pratique comme religion. Et donc le cheikh dit ensuite وأما النصارى فاختاروا يوم الأحد وقالوا لأنه اليوم الذي ابتدأ الله جل وعلا فيه الخلق فهو اليوم الأول من الأيام الستة فاختاروه لهذا السبب. Donc il dit que les chrétiens, eux, ils ont choisi le dimanche. Ils ont dit que c'est le premier jour dans lequel Allah a créé les cieux et la terre. Il a commencé la création ce jour-là. Et donc, ils ont choisi ce jour-là, parmi les jours. Et il dit, وَأَمَّا هَذِهِ الْأُمَّةِ فَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى هُوَ الَّذِي اخْتَارَ لَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ فيه تكامل الخلق وفيه خلق آدم عليه السلام وفيه أخرج من الجنة وفيه تقوم الساعة فهو يوم عظيم فاختاره الله لهذه الأمة. Donc le cheikh dit que en ce qui concerne notre umma, cette umma, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour elle le Jumu'ah, qui est le vendredi. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur des jour de la semaine. C'est dans ce jour-là qu'il a complété la création, c'est dans ce jour-là qu'il a créé Adam, alayhi salam, c'est dans ce jour-là qu'il a fait sortir Adam du paradis, et c'est dans ce jour-là que l'heure du jugement va être établie. Et donc, c'est un grand jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour cette umma. فَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَ حَسَدُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى هَذَا ولم يحسدوهم على شيء مثل ما حسدوهم على يوم الجمعة الذي اختص الله به المسلمين وأضل عنه اليهود والنصارى. Donc il dit que les juifs et les chrétiens ont été jaloux des musulmans à cause de ce jour-là. Et ils n'ont pas été jaloux des musulmans pour quelque chose de plus que pour cette chose, c'est-à-dire pour ce jour-là que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné à nous particulièrement. Et yani, un jour, ce jour-là qui est le jour de Jumu'ah, qu'il nous a donné à nous les musulmans et dont il a égaré les juifs et les chrétiens. Donc, il dit, فَهَذَا فِيهِ فَضْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ فَضْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَ لَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وأن هذا اليوم هو أفضل الأيام. Donc il dit dans ce jour-là, il y a dans ce hadith, il y a donc un mérite, quelque chose qui nous indique le mérite de cette umma. Et il y a dedans également le mérite du jour du vendredi. Et il y a aussi le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ce jour-là pour nous à cause de ce qu'il sait du mérite qu'il y a dans ce jour-là. Et que c'est le meilleur de tous les jours de la semaine. Il y a un autre point aussi que le cheikh n'a pas mentionné par rapport à ce qu'il mentionnait dans le hadith et qui est très intéressant, c'est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous sommes les derniers dans ce monde et les premiers au jour de la résurrection. Et ça correspond exactement à ce qui est rapporté même dans le livre des chrétien aujourd'hui, malgré qu'il est falsifié, qu'il a été falsifié, mais malgré tout, il y a encore la mention dedans du fait que les premiers seront les derniers. Et les chrétiens disent toujours ça, les premiers seront les derniers. Eh bien c'est vrai, au jour de la résurrection, c'est les musulmans qui vont être les premiers, qui vont être jugés en premier. Les autres qui ont vécu en premier, eux vont être jugés en dernier. Donc les premiers vont être les derniers au jour de la résurrection. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith. Il dit وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Il le rapporte ta'liqan, c'est-à-dire il le rapporte sans mentionner la chaîne de transmission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis on va expliquer qu'est-ce que ça signifie, ça, quand on dit ta'liqan dans les paroles du Cheikh Al-Fawzan. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qu'il a aimé le plus, la religion que Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus, c'est Al-Hanifiyya Al-Samha. Al-Hanifiyya, c'est la religion de Ibrahim, alayhi salam, c'est-à-dire de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala seul et de se détourner de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les idoles et autre chose. Donc ça c'est Al-Hanifiyya. Et Al-Samha, c'est la religion de la simplicité, qui est la religion qui est facile, qui est simple. Tu vas pas ça c'est pas une religion qui est difficile, lourde, compliquée à comprendre. C'est ça que ça signifie. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique ça justement. الحنيفية السمحة إذ قوله وفيه أي في صحيح البخاري تعليقا المعلق هو الذي يذكره البخاري بدون سند وهو على قسمين معلق مجزوم به أي على سبيل الجزم ومعلق غير مجزوم به وقد حصر الإمام ابن حجر رحمه الله المعلقات التي في البخاري وذكر أسانيدها في كتاب سماه تغليق التعليق أي ذكر الأسانيد التي علقها البخاري ولم يذكرها ولم يذكرها الشيخ explique que premièrement وفيه زاد البخاري parce que les hadiths qu'il a mentionné précédemment le hadith précédent c'était un hadith rapporté par l'imam muslim, mais avant ça c'était dans Al-Bukhari, donc il y a un hadith qui était rapporté par Al-Bukhari et muslim ensemble, donc il dit dans Al-Bukhari également ta'liqan, et le cheikh explique ce que ça veut dire ta'liqan. Ta'liqan c'est quand quelque chose est mu'allaq, le hadith qui est mu'allaq, c'est-à-dire l'imam Al-Bukhari il le rapporte mais sans isnad, sans mentionner la sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, ok. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est comme par exemple aujourd'hui quand vous lisez la plupart des livres, la plupart des livres sont mentionnés de cette façon-là. C'est-à-dire que même le Cheikh Al-Fawzan par exemple, quand il cite un hadith, il ne cite pas la chaîne de transmission du hadith. L'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, la même chose. Quand il cite le hadith, il dit « وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالْ » Et tout le monde sait que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab ou le Cheikh Al-Fawzan n'ont pas entendu cette parole directement de Abi Huraira. Tout le monde sait ça. Mais c'est qu'est-ce qu'on appelle mu'allaq, c'est-à-dire il mentionne le hadith sans l'isnad, parce qu'on a l'isnad dans le livre de Sahih al-Bukhari. Donc si c'est un hadith de Bukhari, pas besoin de mentionner l'isnad, puisque l'isnad est dans le Sahih. Donc il mentionne seulement le sahabi qui l'a entendu ou qui l'a vu et il cite le hadith direct. Et ici, l'imam al-Bukhari dans son sahih, il a rapporté tous ces hadiths, les hadiths qu'il mentionne, il les mentionne avec l'isnad. Mais dans les titres des chapitres, des fois il mentionne un hadith sans l'isnad. Parce que c'est un hadith qu'il mentionne sans l'isnad parce que c'est un hadith qu'il mentionne juste comme ça dans le titre. Et il y a deux catégories de mu'allaq dans le sahih de l'imam al-Bukhari. Il y a le mu'allaq qui est majzoum bihi, il y a le mu'allaq qui est ghair majzoum bihi. Donc qu'est-ce que ça signifie majzoum bihi? Majzoum bihi ça veut dire quand l'imam al-Bukhari dit wa ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il certifie, il dit directement que ça c'est apporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est comme majzoum, c'est comme certifié, ou il dit ça avec avec certitude que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Et yani mu'allaq ghayr majzoum bihi, c'est-à-dire que il est rapporté par l'imam al-Bukhari mais il dit pas directement que c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Sahih al-Bukhari, on sait qu'il a écrit Fath al-Bari, pour faire le charh de Sahih al-Bukhari. Il a un autre livre, on sait qu'il a écrit, il y en a beaucoup de livres qu'il a écrit l'imam Ibn Hajar. Et parmi les livres qu'il a écrit, il a écrit un livre qui s'appelle Taghliq al-Ta'liq. Tahliq ou Ta'liq. Et dans ce livre-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris tous les hadiths qui sont mentionnés dans Sahih al-Bukhari et qui sont mentionnés mu'allaq, qui sont mentionnés comme ta'liq dans les chapitres, dans les titres des chapitres, et qui n'ont pas d'isnad, et il a rajouté l'isnad. Il a écrit leur isnad. Parce que ces hadiths-là, ils ont une isnad. Sauf que l'imam al-Bukhari ne l'a pas mentionné. Soit pour faire plus court, hein, ou pour une autre raison. Et l'imam Ibn Hajar, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramené l'isnad de ces différents hadiths-là. Ok? Et il a écrit donc, il les a rassemblés dans un seul livre, et il a appelé ce livre-là Tahliq ou Ta'liq. Et comme les ulama ont expliqué, la plupart des hadiths qui sont mentionnés par al-Bukhari comme Ta'liq sont authentiques. Hein? Sont authentiques. Donc, le livre de Tahliq ou Ta'liq, il mentionne les Asanid que l'imam al-Bukhari n'avait pas mentionné dans son Sahih. Donc ça c'est juste une petite note en passant pour faire comprendre en fait de quoi on parle. Hein. Ensuite, le Cheikh dit « وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا من التعليق المجزوم به » Il dit le fait que l'imam al-Bukhari il dit et selon le prophète صلى الله عليه وسلم qu'il a dit donc ça c'est une forme de ta'liq qu'on appelle majzum bihi parce qu'il dit que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit de façon certaine et directe. Hein? Donc il dit, le hadith c'est al-hanifiyatu samha. Hein, la meilleure religion, celle la religion que Allah préfère, c'est al-hanifiyatu samha. Al-hanifiyatu ya'ni millatu Ibrahim, wa samha ya'ni as-sahla. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا فالحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه فإبراهيم عليه السلام كان مقبلا على الله معرضا عما سواه من الخلق والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين اليهود ادعوا أن إبراهيم يهودي مع أن التوراة ما أنزلت إلا من بعده فقد أنزلت على موسى عليه السلام وبينه وبين إبراهيم مدة طويلة وكذلك النصارى قالوا إن إبراهيم كان نصرانيا وما جاءت اليهودية والنصرانية إلا من بعده فالله سبحانه وتعالى رد عليهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فالحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهي أحب الأديان إلى الله فدل على أن الإسلام هو أحب الأديان إلى الله سبحانه وتعالى الشيخ يقول كم جدي الحنيفية لا religion d'Abraham هي السمحة ça veut dire la religion qui est facile qui est simple qui est pas compliqué et juste pour donner un exemple de la simplicité de l'islam la simplicité de l'islam dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que dans l'islam, on croit en Allah subhanahu wa ta'ala qui est un Dieu unique, hein, qui est le créateur de l'univers, et c'est lui seul qu'on doit adorer. Et c'est ça la base de l'islam, et c'est ça le tawhid. Très simple à comprendre. Pas compliqué du tout. Hein. Et quand on regarde le christianisme, qu'est-ce qu'on retrouve? Qu'est-ce qu'on voit comme explication dans leur croyance, dans leur dogme? Yani, l'histoire de qu'ils croient qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois font un, c'est un miracle, c'est un mystère, personne ne peut comprendre ça par la logique. Hein? Le Père et le Fils sont égaux, hein? Ils sont éternels tous les deux, il n'y en a pas un qui est venu avant l'autre, hein? Et ainsi de suite. Des dogmes et des croyances qui sont complètement irrationnelles et illogiques. hein. Et donc, ça c'est juste un exemple. Si on veut donner d'autres exemples, hein, si on veut parler par exemple de la pratique des juifs comparée par rapport à l'islam, et qu'on va regarder comment leur religion elle est compliquée et difficile par rapport à l'islam, il y en a plein d'exemples à mentionner et à citer là-dessus. Hein. Donc, une fois j'ai parlé avec un chrétien, et puis il disait, ah mais la religion de l'islam, c'est une religion assez assez difficile à respecter parce qu'il y a beaucoup de choses à suivre. J'ai dit, est-ce que vous pensez, vous, que dans la religion chrétienne ou dans la religion catholique, il n'y a rien à respecter, il n'y a rien à suivre? Vous dites ça parce que vous ne la pratiquez pas, hein? Mais c'est pas le fait qu'une religion soit compliquée, premièrement, qui fait qu'elle est plus valable ou meilleure, hein? Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, la meilleure des religions, c'est celle qui est hanifiya, la religion d'Abraham, et qui est simple, qui est samha. Hein? Donc ça c'est de un. Et de deux, aujourd'hui les chrétiens, on voit que leur religion est facile. Mais si on recule 100 ans en arrière, ou 200 ans en arrière, ou 300 ans en arrière, ou encore plus loin, comment les gens à l'époque, comment ils pratiquaient leur religion, c'était pas du tout la même chose. Comme si la religion chrétienne, telle qu'elle est connue aujourd'hui au XXe siècle, avec tout ce qu'ils font maintenant, ils font ce qu'ils veulent, ils pratiquent rien, il n'y a presque pas d'obligation comme on voit en apparence. Hein. Avant, à l'époque, c'était pas du tout comme ça. Hein. Et même ici au Québec, si vous demandez aux personnes qui sont plus vieilles, hein, comment ils ont connu la religion catholique quand ils étaient petits, c'est pas comme aujourd'hui. Hein. Et ceux qui étaient là avant le siècle passé ou les générations précédentes, c'était vraiment différent. Et comme il y a des chrétiens qui me racontaient des histoires, des fois quand j'entendais ça, je disais, subhanallah, comment des gens pouvaient pratiquer des religions comme ça? Et ils avaient des cloches à différents moments de la journée pour faire certaines prières qu'ils devaient réciter, allez. Des choses, bien entendu, qui ne font pas partie de l'enseignement de Isa, alayhi salam, mais que des gens ont rajouté après Isa. Hein. Des choses qu'ils ont rajoutées. Et bien entendu, puisque la religion des chrétiens, elle n'est pas basée sur les enseignements qui sont enseignés par Isa alayhi salam, mais c'est des choses qui ont été rajoutées par des gens qui sont venus après. Hein. Et c'est pour ça que leur religion, elle est compliquée. Tandis que l'islam, on voit qu'elle est simple. Et c'est pas parce qu'elle est simple parce que c'est aujourd'hui qu'elle est simple. Elle est simple parce que depuis qu'elle a été révélée, elle a toujours été simple et facile à pratiquer et à comprendre. Hein. Donc le cheikh il explique ensuite, il dit, donc il mentionne des versets à ce sujet-là. Le verset 120 de la sourate An-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, Abraham était, hein, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Ibrahim c'était lui-même une umma, et une umma ça peut vouloir dire plusieurs choses, ça peut vouloir dire un guide. Hein, un exemple, un modèle à suivre, et ça peut vouloir dire aussi d'autres choses, mais il était une umma et il était obéissant à Allah subhanahu wa ta'ala, il était hanifan, hein, et il n'était pas du nombre des mushrikins, de ceux qui pratiquent l'idolâtrie ou le shirk et qui adorent d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était ça la religion d'Ibrahim alayhi salam. Thumma awhayna ilayka, puis nous t'avons révélé de suivre la religion d'Abraham, qui était hanifan, qui était un hanif, hein. Et dans l'autre, ça c'est le verset 123 dans sourate An-Nahl. Ensuite, le cheikh il mentionne le verset 125 dans sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah et qui est muhsin, c'est-à-dire qui pratique la bonté et qui adore Allah subhanahu wa ta'ala avec perfection, qui perfectionne son adoration et qui suit la religion d'Abraham qui était hanif, hein, qui était un hanif. Donc maintenant, le cheikh il explique, il dit, al-hanif c'est quoi? Al-hanif c'est celui qui se dirige vers Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Ibrahim alayhi salam, ils se dirigeaient vers Allah subhanahu wa ta'ala, et ils se tournaient vers Allah subhanahu wa ta'ala seulement dans l'adoration, et ils s'écartaient, et ils se détournaient de tout, de toutes les créatures en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Hanifiyya, c'est la religion d'Abraham. Et c'est la religion aussi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puisque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de suivre la religion d'Abraham. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Puis on a révélé sur toi, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, puis on a révélé sur toi de suivre la religion de Ibrahim hanifan, hein, qui était un hanif. Donc c'est ça la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est exactement la religion d'Abraham, c'est la religion d'Abraham. Et il mentionne le verset, le cheikh mentionne le verset 67 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était un hanif, et un musulman, un soumis, hein, et il n'était pas du nombre des mouchriquins, il n'était pas du nombre des mouchriquins. Donc, le cheikh dit, les juifs ont prétendu que Abraham, Ibrahim, alayhi salam, était un juif. Vous voyez, des juifs, ils vont dire, oui, Abraham était juif. Alors que les juifs sont venus après Abraham, après Ibrahim. Et la Torah, elle a été révélée après Ibrahim. Comment Ibrahim pourrait être un juif? C'est pas logique, hein. Ibrahim n'était pas un juif, il ne parlait pas la langue des juifs aujourd'hui, et il ne pratiquait pas la même religion qu'eux. La Torah était même pas encore révélée à Moussa, puisque Moussa est venu, alayhi salam, il est venu des années bien longtemps après, hein, Ibrahim. Déjà, on sait que les juifs sont les fils d'Israël. Israël, c'est qui? C'est Yaqub, alayhi salam. C'est Jacob. Donc, Jacob, il a eu, il a eu 12 fils. Et ces 12 fils-là sont les ancêtres des 12 tribus d'Israël, hein. Donc les juifs viennent de ceux-là, c'est pour ça qu'on les appelle les fils d'Israël. Les juifs, on les appelle les fils d'Israël parce qu'ils sont les descendants de Jacob. Et c'est leur père, c'est lui le père qui a eu les 12 enfants qui ont été les descendants, qui ont été les ancêtres des 12 tribus. Hein? Ils disent que, bon, on dit Abraham était le père de Isaac et d'Ismaël. Et Isaac était le père de Jacob. Et Jacob a eu 12 fils. Et ces 12 fils-là sont les descendants des Juifs. Donc on peut dire par là que Abraham n'était ni Juif. Et Isaac et Ismaël n'étaient pas non plus des Juifs. Hein? Et c'est uniquement après que Jacob a eu les 12 fils, hein, qu'on appelle, c'est les 12 tribus, les 12 fils qui ont été les ancêtres des 12 tribus, que par la suite les Juifs sont apparus. Après, il y a eu Joseph, hein, un des 12 fils, c'était Youssef alayhi salam, hein, et Yani, lui, il a été placé par le pharaon à l'époque, hein, puisque il a interprété le rêve, ainsi de suite. Il a été en charge des récoltes et tout ça. Et puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, plus tard par la suite, les Égyptiens ont pris le peuple, les tribus des fils d'Israël, ils ont pris comme esclaves. Et parmi ces esclaves-là qui étaient là présents, il y en a une femme qui a enfanté un bébé, qui l'a mis dans un panier quand il était tout bébé, qui l'a laissé partir dans l'eau, et qui a été recueilli par la famille de Pharaon, et c'est devenu celui qu'on connaît, le prophète Moussa alayhi salam. Donc c'est là que par la suite il a fait sa da'wa, et que il a plus tard appelé Pharaon à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, à rejeter le shirk, hein, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des miracles, il a traversé la mer, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de faire un miracle en ouvrant la mer et en traversant, hein, à pied, pour traverser cette mer, Pharaon l'a suivi à travers cette mer, il s'est fait noyer hein, avec son armée, et Moussa alayhi salam il a continué. Hein. Plus tard, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné un rendez-vous, une rencontre, et lui a donné la révélation des lois et de la Torah, et c'est là, à partir de là, qu'on peut dire que la religion que les Juifs aujourd'hui prétendent de suivre, elle est venue à partir de ce moment-là, puisqu'ils prétendent suivre Moussa alayhi salam et la Torah. Hein. On sait que par la suite, il y a eu des falsifications, il y a eu des mensonges qui ont été faits, malheureusement, il y a eu des changements, mais tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a prédestiné, puis ensuite, il y a eu Isa alayhi salam et jusqu'à le prophète Muhammad sallallahu alayhi salam par la suite qui est venu, qui lui descend de Ibrahim, mais par Ismaïl, hein, au lieu de Ishaq, au lieu de Isaac. Donc, tout ça pour expliquer que la religion, Ibrahim, alayhi salam, n'était ni juif, ni chrétien, mais il était un hanif, un musulman. Hein, et il n'était pas parmi les mouchriquins. Et l'islam, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, on a des gens qui prétendent qu'il y a trois grandes religions et qu'ils prétendent tous appartenir à Ibrahim, mais la réalité, c'est qu'on remarque qu'ils opposent tous la religion d'Abraham. Et ils sont tous en opposition avec la religion d'Abraham. Est-ce qu'Abraham adorait Jésus? Est-ce qu'Abraham croyait en la Trinité? Est-ce qu'Abraham prenait une croix comme son symbole? Est-ce qu'Abraham se prosternait devant des statues, des images ou des saints? Est-ce que des choses de ce genre? Non. Et quand on voit Isa alayhi salam, même dans le livre que les chrétiens possèdent aujourd'hui, dans leur livre aujourd'hui, qu'est-ce que Isa dit dans leur livre? Il dit hein, que son Dieu, il dit mon Dieu, c'est le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Est-ce que le Dieu de Moïse, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'était Jésus? Non. Hein? Donc, comment maintenant les chrétiens aujourd'hui prétendent que Jésus c'est Dieu, ou que c'est Dieu incarné, ou que c'est la Trinité, ou des choses de ce genre? Donc, ils prétendent suivre Abraham, mais ils contredisent tous Abraham. Donc, ils ne sont pas sur la religion d'Abraham. Et ceux qui sont sur la religion d'Abraham aujourd'hui, ce sont les musulmans. Ce sont les gens qui ont suivi l'islam. Naam. En fait, cette histoire de dire qu'il faut que quelqu'un vienne mourir pour les péchés de quelqu'un pour qu'on soit pardonné, si on regarde même dans les enseignements des prophètes qui sont venus avant, ils n'ont jamais enseigné ça. C'est-à-dire tous les prophètes avant Isa alayhi salam, comment les gens faisaient quand ils avaient fait un péché? Ils demandaient pardon à Allah, ils se repentaient et puis Allah subhanahu wa ta'ala les pardonnait. Et aussi, c'est ça, c'est cette idée-là qu'il faut qu'ils croient, par exemple, quand ils disent qu'il faut que quelqu'un vienne pour mourir pour nos péchés, et que ça va faire en sorte que l'humanité va être pardonnée. De quel péché ils parlent? Est-ce qu'ils parlent des péchés que chacun d'entre nous peut commettre tous les jours, ou bien ils parlent plutôt, comme dans leur dogme, du péché originel, c'est-à-dire le péché que Adam et sa femme ont commis lorsqu'ils étaient dans le jardin. Eux, ils parlent du premier péché, le péché lorsque Allah subhanahu wa ta'ala avait interdit à Adam, alayhi salam, de manger de l'arbre, hein, du fruit de l'arbre. Et eux, ils ont désobéi, ils ont pris le fruit de l'arbre et ils l'ont mangé. Et ils ont dit ça, c'était le péché originel. Hein. Et donc, ils disent que ce péché-là, il a été hérité par tous les enfants d'Adam par la suite, jusqu'au dernier. Et que pour que ce péché-là soit effacé, il faut qu'un homme meure, un homme parfait, soi-disant, innocent, que son sang coule, pour expier ce péché-là. Et ça vient de quel dogme? Ça vient d'où cette doctrine, cette croyance-là? Hein? C'est des origines païennes, c'est pas de l'enseignement des prophètes. Parce que si on regarde même dans l'Ancien Testament, dans les enseignements, même dans Ézéchiel, il y a des versets qui disent « Le Père ne sera pas puni pour le Fils, et le Fils ne sera pas puni pour le Père. » Combien il y a de versets dans le Coran comme ça? « Voilà, taziru wa ziratu wizra ukhra. » Une âme ne va pas avoir à porter le fardeau d'une autre âme. Chacun sera puni ou jugé est rétribuée selon ce qu'elle a commis elle-même comme péché et comme désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas punir un fils pour le péché de son père, surtout si son père était pas, surtout si le fils n'était même pas présent lorsque le père a commis le péché. Donc je dis pas si j'étais présent devant Adam lorsque Adam a fait ce péché-là et qu'il me demande mon conseil ou qu'il me dit viens avec moi et que je m'en vais le faire avec lui, là je vais être son complice. Là peut-être que oui, je peux être puni pour ça. Mais si j'étais même pas là, j'étais même pas encore né ni créé, et déjà le fait que mon père, mon premier père, commette ce péché-là, et à cause de ça, moi je vais être puni pour ce péché-là, ça c'est une injustice. Et donc, c'est une fausse croyance. Qui est, cette idée, ce dogme des chrétiens, de, comme qu'ils appellent, donc, comment ils appellent ça? La rédemption, oui. Ça, c'est basé sur une fausse croyance qui est une croyance en le péché originel. Et puis, de dire par exemple que il faut que Jésus meure sur un homme meurt et qu'il soit parfait et tout. Premièrement, s'il est Dieu, il ne peut pas mourir. Déjà, c'est une contradiction. Si Dieu meurt, ça y est, c'est pas Dieu. Hein? Donc, c'est peu importe de quel côté tu le prends, il y a une contradiction dedans. Hein? Donc, ça ne tient pas cette croyance que les chrétiens ont. Non seulement ça, mais les chrétiens aujourd'hui, si tu leur demandes, oui, mais ceux qui sont venus après Jésus et qui ont soi-disant cru en lui comme étant leur sauveur, comme ils disent, qu'est-ce qui arrive à ceux qui étaient nés avant que Jésus vienne au monde? Qu'est-ce qui arrive avec eux? Et est-ce que eux, leurs péchés vont être pardonnés puisqu'ils n'ont pas connu Jésus? Qu'est-ce qui arrive? Hein? Et donc là, ils disent, ah, c'est des histoires qui sont pas logiques, hein, ces croyances-là. Donc tout ça, c'est pour faire comprendre que ces croyances n'ont rien à voir avec la croyance d'Ibrahim, alayhi salam, et Ibrahim était un hanif. Et dans le Coran, on nous montre des exemples. Alaykoum salam, rahmatullah. Dans le Coran, on nous montre des exemples de la religion d'Ibrahim, que lui-même, il a cassé les épées, les statues, il a cassé les statues avec sa main. Il vient de la région de l'Irak, il vient de la région de l'Irak, et il a quitté son peuple qui adorait des statues et des idoles pour aller en Syrie, dans cette région-là de Sham. Puis, il a épousé Hajar et Sarah, et une de ces, justement, Hajar, il l'a mis dans le désert avec Ismaïl, à la Mecque, qui est aujourd'hui la Mecque. C'est là la première mosquée qui a été créée, construite pour l'adoration, c'est là-bas. Et l'autre, il l'a laissé, son autre femme, en Syrie, dans Sham. Et donc ça, c'est un résumé, un petit résumé de l'histoire, pour faire comprendre à ceux qui prétendent que Ibrahim était un juif ou un chrétien, que c'est faux. Et Allah les a réfutés dans le Coran en disant, Abraham n'était ni un juif, ni un chrétien, mais c'était un hanif, un musulman, quelqu'un qui était soumis à la volonté d'Allah. Pourquoi? Parce que musulman, ça vient de l'islam qui veut dire la soumission. Donc la religion d'Allah, c'est de se soumettre à notre créateur. Donc la hanifiya, c'est quoi? C'est la religion d'Abraham, et c'est la religion que Allah aime le plus dans toutes les religions. Et donc ça, c'est la preuve que l'islam est la religion qu'Allah aime le plus. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la religion d'Abraham et la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est la meilleure des religions. Et ensuite, le cheikh, il mentionne une athar selon Ubay, une parole d'un sahabi qui est Ubay ibn Ka'b. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده من مخافة الله إلا كان كمثل شجرة يبس ورقها إلا تاحت أو تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل الله وسنته فانظروا أعمالكم فإن كانت اجتهادا أو اقتصادا أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. Donc ici cet athar qui est rapporté selon Ubay ibn Ka'b qui se retrouve dans Al-Musannaf de l'imam Ibn Abi Shayba et dans Al-Hilya de l'imam Abu Nu'aym, il dit, donc Ubay ibn Ka'b qui est un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit accrochez-vous à la voie, au chemin et à la sunna. Accrochez-vous au chemin et à la sunna. Parce que, il dit, parce qu'il n'y a pas un serviteur d'Allah qui est sur le chemin et qui est sur la sunna et qui se souvient d'Allah subhanahu wa ta'ala et dont ses yeux se remplissent de larmes par crainte d'Allah et que le feu le touchera. C'est-à-dire que si un serviteur d'Allah, il est sur la voie et sur la sunna et qu'il se souvient d'Allah et que ses yeux sont remplis de larmes par crainte d'Allah, le feu ne le touchera jamais. Hein? Le feu de l'enfer ne le touchera jamais. Et il n'y a pas un serviteur qui est sur la voie et qui est sur la sunna et qui se souvient d'Ar-Rahman, qui se souvient d'Allah et dont la peau, yani frémisse, yani il a la peau qui commence à faire comme de la chair de poule parce qu'il a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, lorsqu'il s'est souvenu d'Allah, excepté que il sera comparable à un arbre qui est devenu sec et qui a perdu toutes ses feuilles, comme si c'était un homme qui avait perdu tous ses péchés. Hein? Donc, le musulman, l'homme qui est sur la voie et sur la sunna, il se souvient d'Allah, il a la chair de poule par crainte d'Allah, eh bien il va être nettoyé de ses péchés comme l'arbre quand il devient à l'automne, il n'a plus de feuilles sur lui. C'est comme ça qu'il devient, il n'a plus de péché. Il va être pardonné de ses péchés. Et il dit, et de faire peu d'une sunna, c'est meilleur que de faire beaucoup d'efforts sur une chose qui est contraire à la voie et contraire à la sunna. Donc quelqu'un par exemple, il veut faire beaucoup d'adoration, mais il ne le fait pas sur la sunna. Il fait sur une voie qui est contraire à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait beaucoup d'efforts, il se fatigue. Il n'aura pas la récompense pour ça. Tandis que l'autre, il fait juste un petit peu. Hein, il fait le minimum, mais au moins il est sur la voie et sur la sunna. Celui-là, il aura la récompense pour qu'est-ce qu'il a fait, même si c'est peu. Hein? Et il dit, فَنْظُرُوا أَعْمَالَكُمْ. Il dit, regardez bien comme il faut vos actions et vos œuvres. Et si vous voyez quels sont des efforts ou quels sont moins, vous en faites plus ou vous en faites moins, mais faites en sorte qu'elles soient faites sur la voie des prophètes et sur leur exemple et sur leur sunna. Donc peu importe les actions que vous faites, si vous en faites beaucoup ou si vous en faites peu, mais faites en sorte que ces actions-là soient faites selon la sunna. Hein, et non pas juste regarder la quantité, sans regarder est-ce qu'elles sont faites selon les règles de l'islam, du Coran et de la sunna. Le cheikh il dit, فهذا الأثر عن أبي بن كعب في فضل الإسلام يقول إن الإنسان إذا كان على سبيل صحيح وعلى سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إذا بكى من خشية الله فإنها لا تمسه النار لأنه خشي الله سبحانه وتعالى وهو على سبيل وسنة أي على طريق صحيح أما لو خشي الله وهو على غير سنة على بدعة أي على بدعة فهذا لا ينفعه بكاؤه ولا خشوعه ولا خشيته وكثير من النصارى يبكون ويخشعون ولكنهم على غير هدى بل على ضلال وكثير من القبوريين والمبتدعة يبكون بكاء شديدا ولكن لا يؤجرون على هذا البكاء ولا ينفعهم عند الله لأنهم ليسوا على سنة فليست العبرة أن يبكي الإنسان ويخشع وإنما العبرة بما هو عليه. Donc le cheikh il dit que dans cette parole de Ubay ibn Ka'b, Ibn Ka'b radiallahu anhu, il y a le mérite de l'islam et l'excellence de l'islam. Du fait qu'il dit qu'un homme, s'il est sur la voie correcte et sur la sunna qui est confirmée et ferme et authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il pleure par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, le feu ne va pas le toucher. Mais s'il a cette crainte d'Allah, ou cette, disons, il pleure, mais qu'il est sur autre que la voie et sur la sunna, alors ce ne sera pas, il sera pas dans ce cas-là, il ne sera pas accepté. Cette crainte-là et ce khushu, cette khashia, elle ne sera pas acceptée de lui. Il dit, par exemple, quelqu'un qui a la crainte d'Allah, mais qui est sur la bid'ah, qui est sur une voie qui est opposée à la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ça, le fait qu'il pleure, ça ne va pas lui profiter. Ça ne va pas être bénéfique pour lui. Et le fait qu'il ait cette concentration, ou cette humilité, ou cette crainte d'Allah, ça ne servira à rien pour lui. Et il donne l'exemple des chrétiens. Il dit, regardez les chrétiens, ils pleurent, ils sont très humbles, mais ils ne sont pas sur la bonne voie. Ils sont sur l'égarement, ils adorent Jésus, ils adorent les croix, ils adorent les saints, ils adorent les images, ils adorent les statues, ils se mettent à genoux devant celles-ci, et tout ça, donc ils ne sont pas sur la guidance, et donc le fait de pleurer, de montrer l'humilité, de montrer qu'ils sont humbles, ça ne va pas les sauver. De même que beaucoup d'entre ceux qui adorent les tombeaux, parmi ceux qui se disent musulmans, et ils pleurent tout le temps, tu les vois en train de parler et ils pleurent, quand ils parlent d'Allah, ils pleurent et les gens sont affectés par ça. Ils disent, ah, regarde ces gens-là, ces hommes-là sont humbles, regarde comment ils ont la crainte d'Allah, ils pleurent tout le temps. Les gens sont impressionnés par ça, ils s'imaginent que ça c'est la preuve que ce sont des gens bien guidés. Non, parce que si quelqu'un il fait des choses contraires au tawhid, contraires à la sunna, et que tu les vois pleurer comme ça, ça c'est des fois c'est juste, ils font semblant. Des fois c'est juste pour attirer les gens, c'est vrai. Ils font semblant de pleurer. Et des fois, s'ils ne font pas semblant, c'est contre eux de toute façon, puisqu'ils ne le font pas d'une manière qui est en accord, dans le sens qu'ils ne font pas leurs adorations d'une manière qui est acceptée dans l'islam, puisqu'ils font des innovations. Donc, le cheikh, il dit, tu vois beaucoup d'entre ces gens-là qui adorent les tombes, parmi ceux qui se disent musulmans, ou parmi les gens de bid'ah, tu les vois en train de pleurer, et tu les vois en train de faire ces choses-là, ils ne seront pas récompensés. Et je me souviens d'une affaire aussi qui est rapportée selon Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu. On lui a mentionné les efforts dans l'adoration que font les Khawarij. Les Khawarij, c'est des extrémistes dans la religion. Ils font beaucoup de jeûnes, beaucoup de prières, ils lisent beaucoup le Coran, plus que yani, les Sahaba même des fois. Ils exagèrent dans l'adoration. Et quand on a mentionné ça devant Abdullah ibn Abbas, il a dit, ils ne font pas plus d'adoration que les chrétiens, et ils sont dans l'égarement. Dans le sens que, regardez, c'est comme si Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, il dit, vous me mentionnez les Khawarij, regardez les chrétiens. Les chrétiens font plus d'adoration que les Khawarij. Et malgré tout, ça ne veut pas dire qu'ils sont bien guidés. Donc, le fait que quelqu'un fasse plus d'efforts ou plus d'adoration, ça ne veut pas dire qu'il est plus guidé. L'important, c'est qu'il soit en train de faire son adoration sur la bonne voie et sur la bonne sunna. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, par la suite, comme le cheikh il va l'expliquer, de faire peu, c'est mieux que de faire beaucoup si tu le fais correct. Si tu fais un peu correct, c'est mieux que beaucoup, mais incorrect. Donc, l'important, c'est que la personne soit sur la sunna et non pas que la personne pleure ou montre beaucoup d'humilité alors qu'elle n'est pas sur la sunna. Ensuite, il dit, « ثُمَّ قَالْ Ubay ibn Ka'b, fi آخر الكلمة, إن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة في خلاف سبيل الله وسنته. هذا كلام عظيم، فالعمل اليسير هو على وهو على سنة فيه خير كثير، أما الاجتهاد الكثير وهو على بدعة فهذا لا ينفع صاحبه ولو اجتهد الليل والنهار، لأنه على غير طريق السنة، فليست العبرة بكثرة العمل ولا بكثرة البكاء، وإنما العبرة في الطريق الذي عليه الإنسان، والعبرة باتباع الكتاب والسنة، ولو كان العمل قليلا فهذا يكون على خير كثير وعلى سبيل النجاة، وبكاؤه وخشوعه وخشيته تكون نجاة له من النار. لشيخ الزي donc à la fin de la parole Ubay ibn Ka'b رضي الله عنه il dit que de faire peu d'une sunnah c'est mieux que de faire beaucoup mais d'une manière qui est contraire à la voie d'Allah et à la sunnah. Il dit, et ça c'est une grande parole, c'est une parole peu courte, yani c'est peu de mots mais une grande signification. Donc il dit de faire un peu d'action sur la sunna c'est meilleur que de faire beaucoup, et de faire beaucoup d'adoration mais sur la bid'a ça ne servira en rien à la personne qui l'a fait, même s'il fait des efforts, même s'il fait jour et nuit ces adorations là mais il n'est pas sur la sunna, ça servira à rien. Donc l'important c'est pas de faire beaucoup d'action, l'important c'est pas de pleurer, de montrer qu'on pleure beaucoup, des choses de ce genre, si on n'est pas sur la bonne voie. L'important c'est d'être en train de suivre le Coran et de suivre la Sunna correctement, hein. Donc dans ce cas-là, de faire peu, c'est mieux que de faire beaucoup. Mais si tu veux comparer, par exemple, entre deux personnes, les deux sont sur la Sunna, un il fait beaucoup, l'autre il fait peu, dans ce cas-là, celui qui fait plus, il est meilleur que celui qui fait moins, parce que les deux sont sur la Sunna. Mais quand tu compares entre deux personnes, un est sur la Sunna, l'autre est sur la Bid'a, celui qui est sur la bid'a qui fait plus, et l'autre qui est sur la sunna et qui fait moins, celui qui fait moins, il est mieux, parce que il est en train de faire quelque chose, au moins c'est dans la bonne voie. Tandis que l'autre, il fait beaucoup, mais il n'est pas sur la bonne voie. Hein? C'est comme si quelqu'un fait une course, hein? Et il y en a un, il court très très rapidement, mais il n'est pas sur la bonne piste. Il va dans la mauvaise direction. Tandis que l'autre, il court très très lentement, mais il est toujours dans la bonne direction. Mais c'est celui qui va arriver, c'est celui qui va lentement, même si il va lentement, il va gagner. Parce que lui, il va dans la bonne direction. Exactement. Donc, comme tu dis, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Donc Allah SWT dit à la fin de sourate Kahf, il dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui, الذين ضل سعيهم, ils ont perdu leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Donc l'important c'est pas de faire beaucoup d'efforts. Il faut être sûr que ce que tu le fais sur la sunna, tu le fais correctement. Hein? Et non pas de faire des choses, tu n'as même pas de preuve pour qu'est-ce que tu fais. Hein? Et on est en train de discuter avec un soufi, et il était en train de nous expliquer que si tu récites le dua que leur cheikh a inventé, qui s'appelle Salatul Fatih, hein? Il dit si tu le récites ce dua, il vaut 6000 fois la lecture du Coran ou des choses de ce genre. Et il était en train d'essayer de nous prouver le mérite de ce dua. J'ai dit, oui, mais est-ce qu'il y a une référence? Est-ce qu'il y a une preuve? Oui, Antidjani. Au lieu de voir, est-ce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit ça? Est-ce qu'il y a un hadith authentique quelque part qui prouve ça? Il n'était pas capable de nous donner de preuves. J'ai dit, mais dans ce cas-là, pourquoi tu veux suivre des choses qui n'ont pas de preuves? Parce que pour eux, ils n'ont pas besoin de savoir la preuve. L'important pour eux, c'est que son cheikh, il l'a dit, alors c'est bon. Non, c'est pas comme ça l'islam. L'islam, sinon, si c'était comme ça, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Hein? Il dit, chez nous, les enfants de 7 ans, ils voient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient, il marche dans la rue, il leur parle en éveil. Pas dans le rêve, en éveil. Alors, je lui ai dit, si c'est comme ça, n'importe qui peut venir prétendre, moi j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit, toi t'as pas besoin de prier, tu peux continuer à faire comme yani, ta religion, l'islam, mais t'as pas besoin de prier, t'es excusé toi. Hein? Et quand tu lui demandes, mais pourquoi tu pries pas? Il dit, non, moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu hier, il m'a parlé, il m'a dit que je suis plus obligé de prier, je suis excusé. A'oudhou billah. Hein? Mais la religion des soufis, c'est comme ça. C'est basé sur des choses comme ça. Il dit, est-ce que toi, j'ai dit toi, est-ce que toi tu l'as vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il est venu te parler en éveil comme ça? Il dit, non, moi je suis pas encore arrivé à ce niveau-là. J'ai pas encore eu cette chance-là. Il dit, subhanallah. Et les enfants de 7 ans, ils le voient, toi tu le vois pas. Il dit, chez nous c'est facile, tout le monde peut le voir. Il dit, comment ça toi tu l'as pas vu? Hein? Donc c'est pas comme ça. Si c'était comme ça, alors pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, al-yawmu akmaltu lakum dinakum. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ça quand? Il a dit ça le jour de Arafat, juste quelques temps, un peu avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion, elle est complète. Il n'y a plus de choses qui vont revenir par la suite pour s'ajouter ou pour être enlevées. Elle est complète et parfaite. Donc ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir aujourd'hui, il me dit, yani, il est né en l'an 1800, hein, 1200 Hijri. Il vient, il me dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a dit une nouvelle prière qu'on doit pratiquer, et ça vaut 6000 fois la lecture du Coran. Et comment quelqu'un peut croire en des choses comme ça, hein? Et quand je lui ai mentionné l'histoire de son cheikh, qu'est-ce que son cheikh il a raconté? Son cheikh il a dit, un homme il a violé une femme. Cette femme c'était une tijaniya, elle était dans la tariqa de son cheikh. Il a violé cette femme. Il l'a enfermée chez lui. Elle était mariée cette femme, il l'a enfermée chez lui, il a fait le zina avec elle jusqu'à sa mort. Il l'a violée jusqu'à ce que cette femme meure. Et il dit, et il est rentré au paradis. Il dit, pourquoi? Parce que cette femme, même si elle ne pratiquait pas son devoir de soufi, de wird, que son cheikh lui a prescrit de réciter tous les jours, même si elle ne le pratiquait pas, mais quand même, à cause de la baraka du cheikh, elle rentre au paradis. Ça c'est un appel à violer les femmes. C'est quelqu'un qui est en train d'appeler à violer les femmes. Du moment qu'elle est tidjani, ça y est, tu violes une femme tidjani, ça y est, tu rentres au paradis. C'est quoi cet enseignement-là? Il s'est mis en colère. Hein? Il s'est mis en colère, il commence à crier. Il a même appelé son frère quelque part, je ne sais pas où est-ce qu'il était, son frère, pour lui demander, est-ce que tu as entendu cette histoire? Est-ce que c'est vrai? Pour vérifier. Et il lui a dit, écoute, j'ai la référence et j'ai la preuve si tu ne me crois pas. Hein? Et on a effectivement trouvé la référence, hein, par la suite. Et le Cheikh Ahmed Lo, dans son livre, Taqdis al-Ashraf sur le fiqh al-Soufi, il a mentionné l'histoire avec la preuve et la référence. Hein? Donc c'est pour dire, subhanallah, ces gens-là racontent n'importe quoi. Et si la religion était basée sur ce qu'ils disent, ça veut dire qu'il n'y aurait plus de religion d'islam aujourd'hui. N'importe qui, il vient, il dit ce qu'il pense. Il dit, j'ai vu un rêve, le prophète il m'a dit ça, sallallahu alayhi wa sallam, alors je pratique ça. Hein? C'est quoi la preuve que qu'est-ce que tu as vu dans ton rêve, c'était vrai? C'est quoi la preuve que ce que tu dis, c'est vrai? Peut-être que tu mens. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un menteur, il veut juste manger l'argent des gens, il veut profiter d'eux. Il leur raconte qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est même pas vrai. Est-ce que je peux rentrer dans ton cœur, dans ton esprit pour voir ce que tu as vu toi et pour avoir la preuve? Hein? Et non seulement ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit au shaitan de prendre mon apparence dans un rêve. Hein? Et les soufis, ils mentionnent toujours ce hadith. Donc ils disent, si tu l'as vu, ça veut dire que tu l'as vu vraiment. Et ça c'est vrai si tu connais la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam telle qu'elle a été donnée par les sahaba dans les livres de hadith. Mais si tu ne connais pas la description que les sahaba ont donnée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu dis, j'ai vu un homme, et il a dit, je suis le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu as fait pour vérifier que c'était vraiment lui? Le shaitan peut prendre l'apparence de quelqu'un d'autre et mentir et dire qu'il est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est pas vrai. Donc, c'est pour ça que pour vérifier si c'est vrai ou non, si c'est le prophète, sallallahu alayhi wa sallam ou non, il faut connaître sa description. tel que les Sahaba l'ont décrit dans les hadiths. Donc tu ne peux pas t'enfuir du hadith. Tu ne peux pas t'enfuir du Coran, tu ne peux pas t'enfuir de la Sunna. Ceux qui veulent sortir de la Sunna, ramener les choses de leur propre tête, ils veulent égarer les gens. Ça, c'est la réalité. Donc le cheikh, il dit, qu'est-ce qu'on doit prendre en considération? C'est qu'on suit le Coran et la Sunna, même si on fait peu d'actions, c'est mieux que de faire beaucoup, si c'est autre que sur le Coran et sur la Sunna. Et il termine ce chapitre en mentionnant une histoire ou une autre parole d'un autre sahabi qui est Abu Darda, radiallahu anhu. Il dit, قال, يا حبذا يوم الأكياس نوم الأكياس وإفطارهم كيف يعيبون سهر الحمقى وصومهم مثقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من عبادة المغترين. Donc cette parole s'est rapportée par Abu Na'im dans Hilyat al-Awliya. Abu Darda radiallahu anhu, il a dit que le sommeil des gens qui sont, bon, le Cheikh Al-Fawzan il explique cet athar, il dit athar Abu Darda yushbihu athar Abi Ubay ibn Ka'b fi ma'nahu tamaman anna sahib al-aqida as-sahiha in kana na'iman فهو خير من صاحب العقيدة الفاسدة وإن كان قائما يصلي النافلة وصاحب السنة في نومه وفي إفطار في إفطاره هو على خير وصاحب البدعة في سهره وفي صومه على شر لأنه يسير على غير هدى. Donc qu'est-ce que ça signifie la parole de Abu Darda? En résumé, ça veut dire ça. Ça veut dire la même chose presque que ce que Ubay ibn Ka'b a dit tout à l'heure. Dans le sens que celui qui est sur la sunna et qui est sur la bonne aqida, lorsqu'il dort, il est meilleur que lorsque le mubtadi est en train de rester debout la nuit en train de prier. Hein? Parce que l'autre, il prie la nuit debout, mais il est sur la bid'a. L'autre, il dort, mais au moins, il est sur la sunna. La même chose que celui qui est sur la bid'a et qui jeûne, et celui qui est sur la sunna et qui ne jeûne pas, qui brise son jeûne. Comme si par exemple, aujourd'hui, le mubtadi est en train de jeûner, et toi tu es sur la sunna et tu jeûnes pas. Tu es meilleur que lui. Parce que toi tu es sur la sunna et lui est sur la bid'a. C'est ça que ça veut dire la parole de Abu Darda ici. Donc, il essaie de nous faire comprendre l'importance d'être sur la sunna et de suivre la sunna. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera samedi prochain. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.